إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الرابع في دراستنا لرسالة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟ ويحكم أفيقوا يا شباب. ندخل 4e assise pour étudier cette risala du Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad. Dans quelle religion et avec quelle raison le fait de poser des bombes et de détruire est un jihad sur le sentier d'Allah? Attention à vous, réveillez-vous jeunes. يقول الشيخ حفظه الله وقال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Et dans cette traduction approximative du verset que nous cite le Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé dans le Coran et il nous dit: et rappelez-vous, lorsque nous obtâmes de vos engagements de ne pas faire couler votre sang par le meurtre, de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Et dans l'autre verset qu'a cité Cheikh Hafidhahullah Ta'ala dans la traduction approximative de son sens, et nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, les blessures tombent sous la loi du talion. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى: ما جاء في قتل المسلم نفسه عمدا وخطأ. الشيخ d'ouvrir un autre chapitre, dit les textes que nous avons dans le fait que le musulman se suicide, se tue délibérément, se donne la mort, se suicide, ou alors il se donne la mort par erreur. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الله سبحانه وتعالى الشيخ حفظه الله تعالى dans ce chapitre 7 la parole d'Allah عز وجل qui dit: ô vous qui les croyants, ou vous qui avez cru que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous, et quiconque commet cela par excès et par injustice ne le jetteront au feu, et ceci est facile pour Allah Azza wa Jal. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. رواه البخاري. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari: celui qui se tue lui-même avec quelque chose dans ce bas monde, il sera châtié par cette chose avec laquelle il s'est fait tuer le jour de la résurrection. Il est rapporté par al-Bukhari ou l'imam muslim. ومسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يدي يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. وفي هذا الحديث في مسند الإمام وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره، وفيه زيادة: والذي يتقحم فيها يتقحم في النار. وانظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى. Le cheikh de nous citer, après de nous avoir cité ce hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, du Thabit ibn al-Dhahak, il nous rapporte un autre hadith de rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, rahimahumullah ta'ala, de Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi salatu salam a dit: celui qui se jette d'une haut d'une montagne et qui se tue, il est dans le feu de l'enfer, et il fait ce mouvement éternellement dans le feu de l'enfer. Et celui qui boit du poison, il se tue et il aura son poison dans la main, il va continuer à le boire dans le feu de l'enfer éternellement. Et celui qui se tue, alaykoum salam wa rahmatullah, et celui qui se tue par un fer ou la part en coteau, il aura son coteau ou son fer dans la main, il continuera à se poignarder dans le feu de l'enfer éternellement. Et dans l'authentique du Bukhari, rahimahullah ta'ala, de Abu Huraira, le prophète a dit: celui qui s'étrangle, il s'étranglera éternellement dans le feu de l'enfer. Et celui qui se poignarde, il le fera de même dans le feu de l'enfer. Et dans le temps, wa fi sahih al-Bukhari wa Muslim an al-Hasan, qala haddathana Jundub radiyallahu anhu fi hadha al-masjid, fama nasina wa ma nakhafu an nansa. وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال: الله بذلني عبدي بنفسي، حرمت عليه الجنة. وروى ابن حبان في صحيحه في موارد الظمآن عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا كانت به جراحة فأتى قرنا له فأخذ مشقصا فذبح به نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب: صحيح لغيره، وأما من قتل نفسه خطأ فهو معذور غير مأذور، لقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فقال عز وجل: قد فعلت. رواه الإمام مسلم رحمة الله عليهم جميعا. dans l'authentique ديال البخاري de مسلم de الحسن il a dit: جندب nous a transmis dans cette mosquée et nous n'avons pas oublié, c'est-à-dire dans la mosquée du prophète عليه الصلاة والسلام, et nous n'avons pas oublié, et nous n'avons pas peur d'oublier, et nous n'avons pas peur que جندب y monte sur le prophète عليه الصلاة والسلام. Regarde, cette attestation de l'Hassan, il dit: et nous n'avons pas peur que ce compagnon y monte sur le prophète alayhi salatu wasalam. Alors que les derniers, ados qui nous entourent, ados pins qui nous entourent, ils rendent menteurs les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les châtie comme il se doit pour les paroles qu'ils disent. Jundub a dit que le prophète alayhi salatu wasalam a dit: un homme était blessé, il s'est tué lui-même. Alors, dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: mon serviteur s'est précipité à se donner la mort lui-même. Je lui ai interdit le paradis. Mon serviteur s'est précipité à donner la mort lui-même. Je lui ai interdit le paradis. Ceci est rapport, et Ibn Hibban de nous rapporter dans son authentique, que Jabir ibn Samura, radiyallahu anhu, a dit qu'un homme avait des blessures et il est parti dans un coin et il s'est tué lui-même. Il s'est égorgé lui-même. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié sur cet homme. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié sur cet homme qui s'est égorgé lui-même. L'Albani dit que ce hadith il est sahih li ghayri et il le rapporte dans Sahih Targhib wa Tarhib, sur le numéro 2457. Mais quant à celui qui se tue par erreur, il veut pas se donner la mort, etc. Celui-là, il est excusé, il ne sera pas châtié. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, nul blâme pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmé pour ce que vous faites délibérément. Pour ce que vous faites délibérément. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette traduction approximative du sens du texte, Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Dans l'authentique dialogue, l'imam muslim, Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai fait. C'est-à-dire, je ne vous châtie pas quand vous faites des choses par erreur ou par oubli. Ma ja'a fi qatli al-muslimi bi ghayri haqqin 'amdan wa khata'a. Et là, un autre chapitre que c'est Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, les textes qui sont, qui nous ont été transmis, hein, ou celui concernant celui qui tue un musulman, soit avec justice, soit intentionnellement, soit délibérément, soit par erreur. قتل المسلم يكون بحق وبغير حق يكون بحق قصاصا وحدا والقتل بغير حق يكون عمدا وخطأ وقد قال الله عز وجل في القتل عمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. Fait de tuer un musulman, ça peut être avec justice, ça peut être sans justice, c'est sans droit. C'est en justice qu'on sait, il s'agit de la loi du talion. Il a tué quelqu'un et il se tue. Mais ça, qui le fait? Ce n'est pas n'importe quel commun, n'importe quel homme de la société. Il est décrété par le juge et par l'État. Hein? Et le fait de tuer un musulman aussi peut être sans droit. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de le tuer, mais il a été tué par sans avoir l'intention de lui donner la mort, par erreur. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Celui qui a l'intention de tuer quelqu'un et qui le tue, bah c'est ça la récompense de Allah Azza wa Jal. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى dans cette traduction approximative du sens du verset, et ceux qui n'invoque pas d'autre dieu avec Allah, il ne tue pas la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacrée, sauf par justice, et qui ne commette pas l'adultère, car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera doublé le jour de la résurrection. Et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Wa qala azza wa jal fi suratay al-an'am wal isra wa la taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-isra ou sourate al-an'am a dit, ne tuez pas une âme, les âmes que Allah subhanahu wa ta'ala a fait sacrées, a fait illicites. Où ils doivent être tués qu'avec justice. Yarhamukallah. Wa qala azza wa jal fi surat al-an'am wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa qala fi surat al-isra wa la taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyakum wa inna qatlahum kana khit'an kabira. وقال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الله سبحانه وتعالى dans cette traduction approximative nous dit aussi, ils ne tuent pas vos enfants par crainte de pauvreté, c'est nous qui attribuons leur subsistance comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction du sens de ce verset nous dit aussi, ils sont certes perdants ceux qui ont par sottise et ignorance tué leurs enfants et ceux qui ont interdit ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a attribué de nourriture, inventant des mensonges contre Allah azza wa jal, ils se sont égarés, ils ne sont point guidés. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء رواه البخاري ومسلم. Et رسول صلى الله عليه وسلم de nous dire dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, la première chose sur laquelle les gens vont être jugés entre les personnes, c'est d'abord le sang le jour de la résurrection. Ceux qui se sont entretués entre eux, c'est d'abord le jugement pour le sang déjà, le sang qui a été coulé. وقد أكد صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بتشبيهها بحرمة الزمان والمكان. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Et aussi le prophète alayhi salam dans son dernier pèlerinage, il a rendu illicite le sang des musulmans, illicite aussi de prendre leur fortune, illicite de les tuer ou de s'attaquer à leur honneur, en faisant ressembler le sacré, comme quoi les vies des musulmans sont sacrées, comme sont sacrés les lieux. Parce que ces paroles sont arrivées à un lieu sacré, pendant une période sacrée. Et donc, Cheikh Abdel Mohsin Bad, en disant ici, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait la ressemblance entre ce temps sacré et ces lieux sacrés. Que le sang des musulmans est autant sacré et aussi sacré comme le lieu et comme le temps. Fa'an Abi Bakra, de Abi Bakra radiallahu anhu, il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une khutbah le jour du sacrifice. Et il a dit, est-ce que vous savez quel jour on est aujourd'hui? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On lui a dit, Allah et son messager seul le savent. Et le prophète alayhi salatu salam s'est tu. Et nous avons cru qu'il allait lui donner un autre nom que son nom. Et il a dit aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui ce n'est pas le jour du sacrifice? Ils lui ont dit, certes, oui, ya Rasulallah. Et il leur a posé la question, on est en quel mois? Ils lui ont dit, sauf Allah et son messager le savent. Et le prophète alayhi salatu salam s'est tu, et ils ont cru. Et le compagnon lui a dit, nous avons cru qu'il allait lui donner un autre nom que son vrai nom. Et il leur a dit, est-ce que ce n'est pas le mois de Dhul-Hijjah? Ils ont dit, certes, ya Rasulallah, c'est le mois de Dhul-Hijjah. Il leur a dit, c'est qu'il paye ici. On dit, sauf Allah et son messager le savent. Il s'est tu, alayhi salatu salam, à un moment donné, ils ont cru qu'elle allait lui donner un autre nom que son nom. Et il a dit, ne sommes-nous pas dans le pays sacré? Ils lui ont dit, certes, ya Rasulallah. Et il leur a dit, votre sang, votre argent, votre honneur, il vous est illicite. Votre sang, votre argent, votre honneur, vous est illicite. Comme il est sacré. Il est sacré comme il est sacré aujourd'hui. Comme ce jour est sacré. Hein? Pendant ce mois sacré. Dans ce pays sacré. Et ceci jusqu'à ce que vous retrouviez Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que le sang du musulman est sacré jusqu'à au jour de la résurrection. Et il leur a dit, est-ce que j'ai transmis? Ils ont dit, certes, ya Rasulallah, oui, ya Rasulallah, tu as transmis. Et il dit, oh Allah, atteste. et que celui qui témoigne transmet à celui qui est absent. Et par le Seigneur de celui qu'on a, à qui on a transmis, peut-être qu'il peut comprendre mieux hein, que celui qui a entendu. Et il leur a dit, il ne devenez pas après moi des mécréants que les uns et que vous ont trotué les uns les autres. Ne devenez pas des mécréants après moi et vous entretuons les uns les autres. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. وقد جاء هذا التأكيد أيضا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري وحديث ابن عمر فيه أيضا وحديث جابر في صحيح مسلم. Et c'est, il y a aussi la confirmation, il appuie encore, il insiste sur cette situation dans le hadith rapporté par ابن عباس dans l'authentique ديال البخاري. Et dans le hadith de ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. Et dans le hadith de جابر dans صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواه البخاري ومسلم إذ أبو هريرة رضي الله عنه كل قبط عليه الصلاة والسلام أدي إيفيتي les sept perdantes, les sept qui vont vous perdre. Ils lui ont dit à Rasulallah, c'est quoi ces choses, ces sept qui vont nous perdre, qui vont nous ramener notre perte. Il a dit, l'associationnisme, le fait de faire un associé à Allah, azzawajal, la sorcellerie, et le fait de tuer une âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait illicite de tuer, et sans droit. De tuer une âme sans droit, sans qu'il ait fait quelque chose pour qu'il soit tué. Et bien sûr, le fait qu'il soit tué, c'est pas un individu qui vient tuer comme ça. Hein? Faux. Une sentence, et il faut revenir à qui de droit, etc., etc. Il n'y a pas le paganisme. Il n'y a pas les choses sont comme ça, chacun il fait ce qu'il veut. Là, on est une communauté qui est gérée par ses gouverneurs, par ses savants, etc. Et aussi, le fait de manger les usures, manger les intérêts. Hein? Ce qu'on appelle les choses à qui on donne un autre nom que leur nom maintenant pour les faire licites. Hein? Riba. Et le fait aussi de spolier la fortune de l'orphelin. On a un orphelin sous sa tutelle et on prend sa fortune. Hein? Et le fait aussi de se sauver le jour où il y a les armées qui se font face à face. Hein? Et aussi le fait d'accuser d'adultère les femmes vertueuses et chastes, les femmes croyantes, vertueuses et chastes. Ah, ce sont les sept moubiqats que c'était Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, et dans lequel se trouve le fait qu'il est interdit de tuer un musulman. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله رواهما في البخاري في صحيحه وعليكم السلام ورحمة الله. ابن عمر رضي الله عنهما ديك الرسول صلى الله عليه وسلم دي ها le musulman reste dans le bien dans sa situation tant qu'il n'aura pas tué, tant qu'il n'a pas fait couler de sang qui est illicite, il est dans la largesse de sa situation tant qu'il n'a pas tué hein, une âme. Hein, tant qu'il n'a pas tué une âme. Sans justice. Ibn Omar, radiallahu ta'ala, dit, fait partie des filets dans lesquels certains vont tomber, dans lesquels on ne peut pas en sortir, c'est le fait d'avoir fait couler le sang. Sans justice. C'est le fait d'avoir fait couler le sang. Et ceci est rapporté par l'imam Bukhari, rahmatullah alayhi, dans son authentique. Wa qala عبادة بن الصامت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. عبادة بن الصامت رضي الله عنه. Et nous étions avec le prophète عليه الصلاة والسلام. Et il a dit, faites-moi l'allégeance que vous n'associez pas, que vous ne faites pas d'associer à Allah Azza wa Jal, et que vous, vous ne commettez pas l'adultère, et que vous ne volez pas, et que vous ne tuez pas des personnes sans droit. Des personnes, les âmes que Allah subhanahu wa ta'ala a fait illicites de tuer, il ne faut pas les tuer sans droit. Et celui qui accomplit tout ça, sa récompense est chez Allah Azza wa Jal. Et celui qui tombe dans quelque chose de tout ça, et s'il est châtié, son châtiment sera une expiation pour lui. Et celui qui tombe dans quelque chose de ça, et que Allah subhanahu wa ta'ala ne le châtie pas, et que Allah subhanahu wa ta'ala ne divulgue pas sa situation appartient à Allah Azza wa Jal. S'il veut, il lui pardonne, s'il veut, il le châtie. S'il veut, lui pardonne. S'il veut, lui châtie. Hein? Rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Et ça, c'est l'expression de l'imam Muslim. Ou an ibn Umar. An il nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qal. Man hamal alayna silah falaysa minna. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ou hada yakoul ahli l'ilm. An man istahalla raf'a silahi ala al-Muslimin. Fa huwa kafir. Wa ladhi lam yastahil. Fa huwa laysa min hadhi al-Mustafa alayhi sallatu wassalam. Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, du prophète, dit celui qui porte l'arme contre nous, il ne fait pas partie de nous. Et ici, cette phrase ne fait pas partie de nous. Les hommes de science ont deux expressions, ont deux définitions là-dessus. Ne fait pas partie de nous, ça veut dire que ceux qui croient que c'est licite de prendre l'arme contre les musulmans, hada, ils rentrent dans la mécréance. Ici, ils ne le croient pas, ça veut dire qu'il n'est pas sur la même voie que la voie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une question de croyance. De rendre licite ou de ne pas rendre la chose licite. Ça, c'est une condition qu'il faut bien mettre en face de soi. Pour ne pas dire n'importe quoi sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. La yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah. Wa anni Rasulullah illa bi ihda thalath. النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة وفي رواية البخاري رواه البخاري ومسلم ويزيد على هذا الشيخ صالح سحيمي حفظه الله ويقول وفي رواية المارق من الدين بدل المفارق لدينه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه البروفيت عليه الصلاة والسلام يقول البروفيت عليه الصلاة والسلام أدي إني با بيرمي دو توي une personne musulmane. Une personne musulmane qui atteste qu'il n'est digne d'être adoré que Allah Azza wa Jal, il n'est pas permis de lui faire couler son sang, de couler son sang. Et il dit, quelqu'un qui atteste qu'il n'est digne d'être adoré que Allah et que je suis le messager de Allah Azza wa Jal, il n'est pas permis, il est interdit de faire couler son sang. Sauf pour trois cas. Quand il tombe sous la loi du talion, il a tué quelqu'un. Et encore là, c'est pas n'importe quel individu qui l'a fait. La sentence doit venir du juge. Pas le fawda dans la vie des gens. Pas n'importe qui dit, bon, moi je vais faire, comme certains insensés une fois, ils sont allés voir un frère, ils lui ont dit, on a un ami là qui est dans l'adultère, on va lui faire le châtiment de l'islam. Allez, occupez-vous de vos affaires. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Imaginez un petit peu, il faut pas croire que ça, on entend du jugement, il faut les appliquer. Non. Il faut laisser la place à ceux. Il y a des gens qui s'occupent de ça. Il y a des gouverneurs, il y a des juges, il y a des états. Point final. On s'en occupe pas, nous. Il faut pas rentrer dans des situations dans lesquelles nous avons pas le droit de rentrer. Et aussi, dans ce hadith, il a dit, donc, celui qui doit être tué par droit, c'est celui qui tombe sous la loi du talion. Et aussi celui, l'homme marié, ou là qui était marié, qui commet l'adultère, et celui qui quitte son groupe, qui quitte la religion. Ceci est rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim, dont Cheikh Suhaimi de rajouter dans une autre version, le mariq min ad-din, celui qui sort de la religion. au lieu de celui qui quitte la religion. Deux expressions différentes. Et qu'on revienne à dire la même chose. وعنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رواه البخاري ومسلم وهنا وقتاله كفر ليس هذا هنا كفر دون كفر كما قال ابن عباس و rapporté de lui aussi que الرسول صلى الله عليه وسلم a dit le fait d'insulter un musulman c'est une perversité فسوق fait de sortir de l'obéissance d'Allah عز وجل هذا هو الفسق. Et le fait de le tuer, c'est une mécréance. Mais ici, cette phrase-là doit être comprise comme nous l'a fait comprendre Abdullah ibn Abbas. C'est une mécréance sans en être. C'est-à-dire, c'est la petite mécréance. Wa an ibn Abbas, inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala abghadu an-nas ila Allah thalath mulhidun fil haram, mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islam sunnat al-jahiliyah. ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريقه ليهريق دمه رواه البخاري ابن عباس aussi de nous rapporter رضي الله عنهما. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit les trois personnes sont détestées d'Allah عز وجل. Celui qui commet des injustices dans le sacré d'Allah, dans les lieux sacrés, soit en mettant des bombes, soit en volant, soit en commettant des désobéissances, soit en faisant des choses qui font peur aux gens, etc. Voilà. Et celui qui veut des sunnahs, il veut des guider du paganisme, il veut les mettre dans l'islam. Et les appliquer dans l'islam, et les rajouter à l'islam. Et celui qui veut tuer un être humain sans justice, sans droit. Et celui qui veut tuer, il veut tout simplement juste comme ça, faire couler son sang. Comme le font ceux qui tuent des innocents. C'est ça, ça fait partie des trois personnes qui sont détestées d'Allah Azza wa Jal. C'est rapporté par Al-Bukhari. Wa qala Allah Azza wa Jal, ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum al-qisas fi al-qatla, al-hurr bil-hurr, wal-abd bil-abd, wal-untha bil-untha, faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil-ma'ruf wa ada'un ilayhi bi-ihsan. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Et cherche de nous citer ce verset du Coran, et voici la traduction approximative du sens. Ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués, homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur. De votre Seigneur et une miséricorde de votre Seigneur. Donc quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux et c'est dans le talion que vous aurez la protection de la vie. Ou vous qui êtes doué d'intelligence, ainsi vous atteindriez la piété. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة أي غضرا فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبي إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله أي مثل الذي قال في الغلام. إذن الأوتنتيك ديال البخاري ورابورت دو ابن عمر رضي الله عنهما كان جون أي تيتويه par trahison. Regarde, on l'a tué, on l'a assassiné. Et Omar, il a dit, si les habitants de Sana'a, la capitale du Yémen, se sont réunis pour le tuer, je le tuerai tous. Pour un jeune. Et Mughira ibn Hakim nous rapporte de son père, toujours chez le Bukhari, que quatre se sont réunis, ils ont tué un enfant. Omar, il a dit la même chose. Il a dit la même chose qu'il a dit pour dans la première expression. وفي صحيح البخاري عن جندب بن عبد الله قال إن أول ما ينثن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أغراقه فليفعل. قال الحافظ في الفتح ووقع مرفوعا عند الطبراني أيضا من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب ولفظه تعلمون أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يراها من أكف دم من مسلم أهراقه بغير حله. وهذا لو لم يرد مصرحا برفعه لكان في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق. Dans l'authentique de Bukhari, Jundub ibn Abdillah a dit la première chose qui pourrit dans l'être humain, c'est son ventre. Le quand on l'enterre, c'est son ventre. Et celui qui peut ne manger que ce qui est bon, qu'il le fasse, ce qui est halal, qu'il le fasse. Et celui qui veut ne pas avoir une barrière entre lui et le paradis, qu'il ne tue pas, qu'il ne fasse pas couler le sang. Le Hafez, dans le Fath, il a dit celui-ci a été rapporté, marfou', c'est-à-dire on le rapporte directement au prophète, alayhi salatu wassalam, chez Tabarani, de la voix de Ismaïl ibn Muslim, de Hassan, de Jundub. Et il dit son expression, vous savez que j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire qu'il n'y ait pas une barrière entre un de vous et le paradis à un sang qu'il aura fait couler. Qu'un sang qu'a fait couler une personne ne soit pas une barrière entre lui et le paradis, alors qu'il voit le paradis. Hein? Il l'a fait couler sans droit. Et ça, dit Al-Hafid, rahmatullahi alayhi, si ça n'a pas été dit clairement, comme quoi on l'attribue directement au prophète alayhi salatu wassalam, il serait dans le jugement chez les hommes du hadith de ce qu'on attribue directement au prophète alayhi salatu wassalam. On le relève directement au prophète alayhi salatu wassalam, parce que ceci, ça, il s'agit d'un châtiment dans le feu de l'enfer, donc de quelque chose dans l'invisible, dont il ne peut pas être dit au niveau de l'opinion. Un compagnon ne peut pas le ramener de son opinion. وقال صلى الله عليه وسلم من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه رواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم a dit dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim, celui qui sort, qui prend l'arme contre ma communauté, il commence à couper les têtes des pieux et des pervers, etc. Et il ne prend pas en considération les croyants, etc. Et il ne respecte pas les traités de protection qui ont été donnés aux gens non musulmans, etc. Il n'est pas de moi et je ne suis pas de lui. Il n'est pas de moi et je ne suis pas de lui. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى وهذه أحاديث لم ترد في الصحيحين مما أورده المنذري في الترغيب والترهيب وأثبته الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رحمه الله تعالى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. الشيخ de nous citer d'autres hadiths qui ne sont pas dans l'authentique. Le Cheikh Nasser a authentifié dans ترغيب والترهيب رحمة الله عليه. Il a dit de البراء رضي الله عنه que le رسول صلى الله عليه وسلم a dit que ce bas monde et ce qu'il contient vaut rien devant Allah Azza wa Jal, qu'un croyant qui sera tué sans droit. C'est-à-dire que la valeur d'un croyant qui sera tué sans droit vaut plus que ce bas monde. Et si les cieux et la terre, et si les gens des cieux et de la terre se sont réunis pour tuer un seul croyant, il va les faire rentrer au feu. Les gens des cieux et les gens de la terre, les créatures des cieux et les créatures de la terre, s'ils se réunissent pour tuer un croyant, tous ils iront en enfer. Et de Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, قال, les zawalu d'unya huwanu ala Allahi min qatli rajulin muslim. Et de Abdullah ibn Umar, Allah subhanahu wa ta'ala les agré, le prophète alayhi wa sallam a dit, ce bas monde, il part, il périt, ça vaut rien devant le fait de tuer un homme musulman. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. بريدة nous dit que رسول الله صلى الله عليه وسلم dit le fait de tuer un croyant est beaucoup plus énorme chez Allah عز وجل que ce bas monde. Ce que ce bas monde il part. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لا كبهم الله في النار. إلى أبي سعيد وأبي هريرة الله سبحانه وتعالى زغري رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سي لي لي لي جون سو كي يابيت لي سيو هاه لي كرياتور كي يابيت كي سون دون لي سيو اي سو كي سون سور تير سو رونيس سور لو سون d'un croyant, d'un seul croyant, Allah il les jette tous en enfer. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. Et أبي بكرة nous rapporte رسول صلى الله عليه وسلم a dit c'est les créatures des cieux et ceux de la terre se réunissent pour tuer un seul musulman, Allah سبحانه وتعالى va les jeter sur leur tête dans le feu de l'enfer. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. معاوية رضي الله عنه أديك الرسول صلى الله عليه وسلم قال chaque péché Allah سبحانه وتعالى peut-être qu'il le pardonnera sauf un homme qui meurt mécréant. Ou l'homme qui tue un croyant exprès comme ça. Hein? Il va, pour l'intention de tuer le croyant, et il le tue. Hein? N'importe quel péché, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va le pardonner. Mais le fait de mourir dans la mécréance, là, il ne le pardonne pas. Et le fait aussi de tuer comme ça. On va, pour l'intention de tuer un musulman, et on le tue comme ça. Sans qu'il ait rien fait, etc. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. أبو الدرداء رضي الله عنه j'ai entendu le prophète عليه الصلاة والسلام dire tout péché الله سبحانه وتعالى il va le pardonner s'il veut, hein? Sauf un homme qui meurt associateur ou un homme qui tue comme ça sans droit, sans raison, il tue un croyant. Regardez, il les met à pied d'égalité, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. La mécréance est le fait de tuer, comme ça dit, hein, vouloir donner la mort à un croyant sans justice. Wa an Abi Musa radiyallahu anhu, an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal, idha asbaha iblis, batha junudahu fa yaqul, man akhdhara al-yawma musliman, ulbisuhu at-taj. Qaala fa yaji wa hadha fa yaqul, lam azal bihi hatta talaqa imra'atahu, fa yaqul أوشك أن يتزوج ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى عق والديه فيقول يوشك أن يبرهما ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى أشرك فيقول أنت ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى قتل فيقول أنت ويلبسه التاج. إذ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه rapport du prophète عليه الصلاة والسلام il a dit quand Iblis arrive le matin et son armée est devant lui, qui a aussi leurré un croyant. Il lui a fait faire des choses par ses propres passions. Je vais lui mettre une couronne. Regardez la couronne, comment il la distribue, Iblis. Il a dit, et le premier, il arrive, il dit, je suis resté avec lui, à lui insuffler, à le détourner jusqu'à ce qu'il ait divorcé sa femme. Il a dit, bientôt, il va se marier. C'est-à-dire que c'est rien. Il lui dit, je suis resté avec lui, et à lui dicter, et à le leurrer jusqu'à ce qu'il a désobéi à ses parents. Il va bientôt leur obéir et dévouer pour eux. Et l'autre, il vient et lui dit, je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il a associé. Il lui dit, toi. Et un autre arrive. Regarde, Ada il lui a dit toi. Mais regardez l'autre qui lui dit. Je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il ait tué. Il lui dit toi. Il lui met la couronne sur la tête. La couronne Iblis, il l'a pas mis à celui qui est associé. À qui il l'a mis? À celui qui est tué. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاختبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. ثم روى عن خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله فاختبط، فقال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أحدهم أنه على هدى لا يستغفر الله يعني من ذلك. عبادة بن الصامت رضي الله عنه nous rapporte du prophète عليه الصلاة والسلام que celui qui tue un croyant, en plus, il prend cet acte comme un acte de fierté et il croit que lui il est sûr l'a guidé. On l'a entendu. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte rien de lui. Il n'accepte rien de lui. Ceci est rapporté par Abu Daoud. Et après ça, Abu Daoud, il rapporte que de Khalid ibn Dahqan, qui dit: j'ai posé la question à Ihya ibn Ihya al-Ghassani sur la parole du prophète Fakhtabat. Il lui a dit: ceux qui sont entretus dans le fitna, dans les perturbations, et l'un tue l'autre, et l'autre il voit qu'il est sur la guidée. Qu'il est mieux sur la guidée que lui. Et il ne se repent pas de ce qu'il a fait. Et rappelez-vous l'histoire que nous avons citée hier, celui qui a tué Uthman ibn Affan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur la tête de Uthman ibn Affan, il a commencé à danser dessus et à dire: je n'ai jamais vu un chemin du paradis que celui-là. Je n'ai pas vu un chemin de paradis que celui-là. Et celui aussi, hein, Imran ibn Hittan, qui fait des éloges aux tueurs de Uthman ibn Affan et de Ali radiallahu anhu. Al-Iyadan billah. Et on va arrêter là, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma salim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On va aller faire inshallah Maghrib, et après on va terminer les textes d'Yel Cheikh Abdou Mohsin Al-Abbad. On voit les commentaires, les derniers commentaires qu'on a fait Cheikh Salih Suhaimi Habidallah.